Connecté du côté d'Olivier sur internet qui le salue. Aujourd'hui sera notre invité, c'est Virgile Hoisard dans les studios de la radio. Ça me fait plaisir, il est parti faire le tour de la planète. Il sera mon invité tout à l'heure. Ça va être du lourd et du très lourd. Belle journée à vous. 16h05 sur Radio Arc-en-Ciel. on my destiny. I can really feel something. How come you don't notice me? I talk a little bit much. You think I'm crazy and such. I imagine something rare. You act like you don't care. Solveig, I want you, forcément, ça vous rappelle des bons moments. Salut Stéphanie qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-Bray. Bonjour Francky, belle journée à toi. 16h10 sur Radio Arc-en-Ciel. la haine de nos veines, trop souvent, xénophobie nous enchaîne. On se sert de la culture comme de front d'une clôture pour couver l'intolérance. Les âmes sans humanité, les larmes et le sang lié entachent les ailes du symbole d'unité. Say it. Yeah. Say it. jamming on the party session. Oh Lord. Avec Dr Alban Singh, hallelujah. On vous souhaite un bon fin d'après-midi, 16h19. Eh ouais, ça fait du bien de vous retrouver, franchement. Puis lui aussi, ça fait du bien de le retrouver. Il vient d'arriver dans les studios de la radio. Il a fait le tour de la planète, 22 000 km. C'est énorme. Il fait une petite pause. Il sera notre invité dans moins de 10 minutes. C'est Virgile Loisard. Je m'abandonne, je prends tout ce que tu me donnes. Je sais que la nuit sera bonne avec toi, rien ne m'étonne. Fais-moi des choses, vas-y, mets la dose. Ne changeons pas de pose, rassure-toi, la porte est close. Ne te retiens pas, dis-moi des mots avec tes doigts sur ma peau. Je veux que ce moment soit le plus beau. Doucement, vas-y doucement. Surtout que t'entends, baby. Faisons-le doucement. Doucement, vas-y doucement. Surtout que t'entends, baby. Faisons-le doucement. Je n'ai plus mal. Tiens pas, entre nous pas de tabou. T'as toujours su quoi faire pour me rendre fou. Je ne vais pas te mentir, je t'aime à t'en mourir. Tu combles mes désirs, loin de toi me ferais souffrir. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. tes doigts de fée me font couler. Je ne te plus. 16h22 avec doucement Heidi Boula, heureux de le retrouver. Ben vous aussi, 16h22 minutes. La météo pour demain, le ciel sera nuageux, pas mal de grisailles, les températures au lever du jour 7 degrés, on dépassera pas les 11. Et ouais, ça commence à faire froid. Dans 10 minutes, il arrive, c'est Virgile Voisard. On va le recevoir. Après 2 ans, il est là dans les studios et ça me fait vraiment plaisir de le recevoir. Sur Radio Arc-en-Ciel, heureux de vous retrouver avec du son qui va vous réveiller aujourd'hui, on vous le dit, Follow the Leaders, 16h26 même. Et puis notre invité qui est là aujourd'hui, c'est vrai que ça me fait vraiment vraiment plaisir de le retrouver quelques années après. Oui, bonjour à tous, hein. Merci à toi Franck. Salut Virgile Voisard. Comment ça va? Et toi, ça va bien? Ça va, ça va. Ouais. C'est vrai que ça fait... très bizarre de se dire que j'étais là il y a 2 ans. Ah ouais. Et puis ouais, on avait réussi à organiser une intervention aussi, mais il y a un an je crois, mais ouais, par Messenger. Voilà, ouais. C'était un peu compliqué et là me retrouver ici avec toi et puis avec tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, ouais, c'est un sentiment très fort. Ouais, je me souviens, je crois que t'étais au Mexique mais qu'on a voulu se capter. Ouais, c'était compliqué déjà le décalage horaire, etc. Oui, c'était compliqué à organiser. Ouais. Alors. Il y a 2 ans, t'étais ici sur Arc-en-Ciel quasiment. Uh-huh. Tu partais dans la semaine, je crois. Oui. T'étais venu nous voir pour ce périple deux ans, 22 000 kilomètres, j'ai vu ça. Voilà, c'est ça. Donc, le but, hein, pour rappel, c'était vraiment de parcourir la totalité des Amériques intégralement à ouais. pied, de la pointe sud de l'Amérique du Sud jusqu'à l'océan Arctique au Canada. Ouais, tu m'impressionnes. Hein. Et donc, le tout, ça fait 27 000 kilomètres. Ouais. Et si je suis là aujourd'hui avec vous, malheureusement, c'est parce que j'ai dû stopper l'aventure un petit peu. Exactement. Mais pour mieux reprendre dans quelques mois. Ouais. Mais là, du coup, oui, j'ai effectué 22 115 km wow. exactement à pied. Bah là, c'était le débrief général. Hein. On va faire un petit peu dans les détails jusqu'à 17h. Allez. Ça va, on a un petit peu de temps. On te retrouve dans 5-10 minutes. Très bien, à tout de suite. Virgile. Soleil, tiens, ça fait du bien. T'as dû en voir, toi, du soleil. Oui. Et de la pluie aussi, un peu tout, non? Même un petit peu trop parfois. Ouais. Trop de soleil? Trop de soleil, ouais, ça arrive. Alors, le commencement, on va parler du début. Ça a démarré où? Ça a démarré de France. Ouais. Oui, de France déjà, tout d'abord. Mais j'ai rejoint l'Argentine en avion, forcément. Ouais. Bien que ça m'attriste forcément toujours un petit peu de prendre l'avion. Mais Ushuaia, je pense que c'est un nom qui parle à beaucoup d'entre nous. Ouais, Ushuaia, on avait les émissions avec. Voilà, c'est ça. Notamment avec Nicolas Hulot, ouais, il y a quelques années. Ouais. Donc Ushuaia, il faut savoir que c'est la ville la plus au sud au monde en réalité. Hein. Ah, c'est vraiment sur la pointe sud-sud de l'Amérique du Sud. Ouais. Et donc je suis parti de là. par la route au départ, hein, même si le projet c'était vraiment de coller le plus possible à des environnements naturels, de prendre des petits chemins, de prendre des itinéraires historiques ou voir des pistes, hein, des routes de terre. Là au départ j'ai dû prendre la route et puis ça m'est arrivé aussi à d'autres reprises, mais malheureusement quand j'y étais contraint et forcé. Contraint et forcé. C'est ça. Alors le moment le plus beau, on va dire, dans ton... Oh. Tu me diras le moment. Oui. Il y a des moments, parce que c'est tu, ça. Je te remercie. Chaque moment est unique. Des petits cadeaux, je les mettrai chez moi d'ailleurs. Des belles photos. Hein. Oui, ben, magnifique. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments parfois qui sont assez magiques. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir à pied, vraiment pour pouvoir sortir des sentiers battus, parce qu'effectivement, il y a des lieux extrêmement emblématiques, hein, comme par exemple le Machu Picchu au Pérou, ouais, que tout le monde connaît plus ou moins. Et moi, mon but, c'était vraiment de partir dans des coins reculés que les gens ne connaissent pas forcément et de les mettre en avant, non pas pour qu'il y ait une flopée de touristes qui s'y rendent et qui détruisent la nature, pas pour ça, ouais, mais justement pour mettre en évidence ces environnements naturels qu'on ne connaît parfois pas et qui sont extrêmement fragiles, et puis les gens qui y vivent aussi. Alors l'endroit le plus beau, c'est ouais, vraiment une question difficile, très honnêtement. C'est dur, mais pour toi, c'était un choix. Il y en a tellement, tu me diras. Mais bon, moi j'ai et été. Et là, t'es arrivé, tu t'es dit waouh, ah oui, quand même. Ouais, moi j'ai été très touché par un désert de sel en Bolivie. Ouais. Y a le plus grand désert de sel, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle le Salar d'Uyuni. Et un petit peu plus au nord, il y a un autre désert de sel qui s'appelle le Salar de Coipasa. Mmh. Et là, justement, c'est un coin qui est pas du tout touristique. Et j'ai été très touché par ce lieu. Bon, même si c'était extrêmement difficile parce qu'il y avait encore de l'eau sur le Salar. Donc, c'était comme marcher dans un grand lac de sel avec de l'eau parfois jusqu'aux genoux ou même plus haut. Mais c'était un endroit absolument magnifique. Hein. Ouais, au coucher du soleil, voilà. C'est rigolo parce que je te revois là, t'es beau, t'es rasé. Oui. J'ai vu des photos de toi sur internet, on aurait dit seul au monde avec Tom Hanks à l'époque. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Non, mais... J'avoue que là, je profite du fait de pouvoir, ouais, du confort de la vie moderne. C'est hein. Vrai. J'aime les deux. J'aime les deux, c'est vrai. On a parlé du meilleur moment, et si t'avais un moment un peu plus néfaste, négatif, ça serait quoi? Si t'avais un pays où tu as galéré vraiment, bah. Ouais. Voilà. Ben, j'avoue que en Amérique centrale, je me suis mis aussi à la course à pied et j'étais un petit peu obligé par la force des choses à rester sur la route, ouais, la plupart du temps parce qu'il y avait pas tellement d'opportunités de trouver des itinéraires naturels, des chemins de randonnée. Ouais. Et aussi pour des raisons de sécurité, j'ai dû rester sur la route et donc j'ai fait le choix de me mettre à courir, d'alterner course et marche pour rendre Forrest Gump. Voilà, c'est ça, pour rendre le défi un petit peu plus épicé, un petit peu plus pimenté encore. Ouais. Et parfois, oui, ça a été très difficile physiquement à cause de ça, et puis le fait de rester sur la route toute la journée. Mmh. Et j'avoue que le Panama, ça a été probablement le passage le plus difficile aussi pour les relations humaines, ouais, parce que les gens n'étaient pas vraiment accueillants. Ah vraiment, ouais, pas trop hostile, si. Pas hostile directement, je dirais, mec, mais très. Mais qui c'est ce mec? Oui, c'est plus que se demander. C'est clairement, j'étais pas bien accueilli. Les gens me, voilà. Bon. C'était compliqué à cause de ça, parce que quand on est dans une telle situation où finalement on est très vulnérable, ça fait toujours beaucoup de bien de sentir du soutien autour de soi, ouais, et à l'opposé quand on est vraiment seul alors qu'il y a des gens autour de nous, mais on se sent complètement rejeté, seul au monde, ouais, mentalement, mais vraiment vraiment entouré, mais finalement rejeté, donc rejeté, ouais, dans ce genre de moment, c'est très difficile de continuer à avancer. Pas facile, mais, ouais. Mais grâce à vous, j'avais ouais, toujours du soutien. Ah, du soutien. Moi, sur les réseaux sociaux. Souvent, je t'ai mis des petits messages, t'en entends pas, ouais, pas tout le temps, mais pendant 2 ans, ouais, je t'ai suivi, je regardais un petit peu. Et ça, je sentais quand même tous ces gens qui Patrick me suivaient, aussi, qui me soutenaient. Bonjour, Patrick. Mm-hmm. Hein. Oui, de Compostelle 45. Ouais, salut, mon pote, il devait venir, je crois qu'il est un empêchement. Ah mince, d'accord. Ça me fait penser aussi au mec à la télé, là. Je viendrai dormir chez vous un petit peu. Ah oui. Un petit peu, exact, dans tous les pays. Bon, lui c'est plus organisé parce que c'est médiatisé par les télés. Uh-huh. Plus organisé. Toi je dis pas que t'es pas organisé, mais toi tu l'as fait vraiment seul. Hein. Bah, ça a gagné petit à petit en fait. Hein. Plus les gens voyaient que ce que je faisais c'était quand même sérieux, même si j'étais tout seul, plus je gagnais en crédibilité tout simplement. Ouais, ouais. Et ça facilitait aussi les démarches avec les médias, avec les sponsors et puis. Ouais. Il y a aussi eu le phénomène de la vidéo brute.fr, ouais, qui a ramené pas mal de monde, hein, qui a été très populaire sur Facebook et voilà sur Internet. Ouais. Donc petit à petit, oui, effectivement, ça a été de plus en plus facile. Mais c'est vrai qu'au début, je partais complètement seul. Hein. C'est clair. T'es parti seul, ouais, avec quoi? Alors, un sac à dos, un peu d'argent quand même, parce qu'il fallait. Oui, ouais. Oui, j'avais économisé avant, donc le gros de mon budget venait vraiment de mes économies personnelles. Ouais. Et puis après ça, bon, j'ai pas eu beaucoup d'argent avec des sponsors, mais surtout en termes d'équipement. En réalité, par exemple, il y a le magasin Moonterra qui m'a pas mal aidé. Running Conseil aussi sur Orléans. Ouais. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup hein, pour faciliter les choses. C'est clair. Au niveau des équipements et puis énormément de donations aussi et de dons, et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce projet possible, parce que sans ce soutien aussi matériel, ça aurait été extrêmement compliqué pour moi de financer entièrement cette expédition. Alors tout au long du parcours, t'as rencontré plein de gens, je suppose, hein, oui. Plein de monde. comment on fait sur le parcours pour se nourrir, pour dormir, ça se passe comment l'organisation? Alors c'est assez simple en réalité, ouais. Hein, parce que une toile de tente peut-être des fois. Une toile de tente, ouais, bah là, en fait la plupart du temps, parce que le but c'était vraiment de rester dans la nature au maximum. Donc en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, j'étais vraiment le long de la cordillère des Andes, dans les montagnes en tout cas, en Amérique du Sud, et puis dans les rocheuses en Amérique du Nord. Ouais. Donc en général, j'avais une étape, ça pouvait aller de 3 jours à 10 jours. Le plus long que j'ai fait, c'est 10 jours de nourriture dans le sac. Et au bout de l'étape, donc j'arrivais à une ville ou à une route, et j'avais la possibilité de me ravitailler, peut-être de me reposer un petit peu. Moi aussi, ouais, c'est un peu pour repartir, voilà, pour l'étape suivante. Donc je dormais bien évidemment en tente, j'avais mon matériel avec mon sac de couchage, mon tapis de sol, et puis tout ce dont j'avais besoin pour être complètement autonome finalement dans la nature. Et ben, il y a une belle aventure qui démarre encore, qui va repartir bientôt. On va en parler dans quelques minutes avec toi, Virgile, en exclusivité. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, des fois, j'ouvrais les journaux à Orléans, la REP, et je dis, oh, putain, ils ont fait une page sur la ville, machin. Je dis, c'est rigolo, il était venu chez nous, et puis il est là, il est revenu. Oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu de bons contacts aussi avec la journaliste Blandine Lamoris, de La République du Centre. Et voilà, c'est comme toi, c'est des gens qui m'ont fait confiance pour dans ce projet, parce que finalement vous me connaissiez pas non plus a priori. Non, moi je t'ai connu par l'intermédiaire de Patrick. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je trouve ça aussi très beau que finalement cette aventure qui à la base était quand même relativement personnelle, c'était une envie personnelle à la base quand même, elle soit devenue finalement une aventure humaine collective. Bah, c'est une belle aventure en tout cas. Oui, c'est plus seulement la mienne, j'ai l'impression. C'est aussi c'est de tous les gens qui ont suivi cette aventure. Ça me fait plaisir. On en reparle dans 3 minutes. On en reparle. À tout de suite, Virgile. Ciao. She low down. It's just a room and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like the girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. That's not what I'm doing, so I can go. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. status, grind all day. Cleveland status, grind all night. Cleveland status, grind all day. At night. Cleveland status, grind all day. Cleveland status, grind all night. Cleveland status, grind all day. At night. Day and night. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this. Madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Pas de musique, ça fait du bien l'après-midi quand on rentre du boulot. T'avais de la musique, t'avais des MP3, t'avais ce qu'il fallait. Bah non, justement, figure-toi que quand je marchais, du moins quand j'étais dans la nature, j'avais pas envie de prendre de la musique avec moi. Ouais, tu t'es dit, je préfère voir ce qui se passe réellement. Voilà, et d'écouter la musique de la nature finalement qui nous environne, c'est important aussi. C'est beau ce que tu dis. Mais j'aime beaucoup la musique et pour le coup, quand j'arrivais en ville à la fin de mon étape, c'est vrai que ça me faisait extrêmement plaisir. J'appréciais d'autant plus la musique que j'écoutais en réalité. T'écoutes quoi comme style de musique toi? De l'électro surtout. Ouais, l'électro. Ouais. D'accord. Ça fait quoi de revenir en France, à Orléans? Bah oui, ça fait bizarre quand même. C'est vrai. Ça fait très très plaisir bien sûr de revoir les proches, la famille, les amis et puis de se poser un petit peu. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que avec toutes ces expériences qui sont accumulées le long du chemin, que la personne qui a commencé il y a 2 ans à marcher depuis Ushuaïa, c'était quelqu'un d'autre. Et de la même manière, j'ai l'impression que le petit gars qui galérait dans la neige il y a maintenant une semaine, c'était aussi quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que j'ai un petit peu un phénomène de dissociation, on va dire. Justement, on parle de neige, c'est un peu à cause de ça que t'as arrêté. Oui, exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que au fil du temps, en réalité, j'ai accumulé un petit peu de retard. Et même si, au final, sur le papier, ça paraît pas grand-chose, c'était quand même un projet assez serré de ce point de vue-là, parce qu'il faut savoir, c'est quand même une première mondiale. Et si personne ne l'a jamais fait avant, c'est parce que il faut tout simplement avoir une organisation qui permette d'être au bon endroit au bon moment, en gros. Mmh. Donc il y a des passages, et notamment dans le nord des États-Unis, sud du Canada, où ça n'est pas possible de le faire en hiver parce que c'est trop difficile, c'est dangereux. Dans les montagnes, c'est dangereux. Ouais. Au fur et à mesure que la neige s'accumulait, je me suis retrouvé à la fin avec de la neige au genou. Donc j'allais deux fois plus lentement, sachant que moi je porte la nourriture dans mon sac, je suis en autonomie. Pas facile, ouais. Et puis ça allait en s'empirant, bien sûr. Hein. Au fur et à mesure que je remontais vers le nord, ça devenait de plus en plus sauvage. Et puis je m'enfonçais dans l'hiver. Et toute cette partie, j'aurais dû en réalité la faire un mois avant. Donc je dis pas que j'aurais été capable de le faire, mais j'ai accumulé ce retard un petit peu pendant ces 2 ans. Parce que mon but, c'était de coller vraiment un rythme de 30 km par jour. Et j'ai terminé à 28,5 km par jour, à peu près. Ouais. Donc ça peut paraître absolument dérisoire. Mais sur le terrain, ça a quand même un gros impact. Parce que tout est calculé pour être au bon endroit au bon moment. Et ça n'a pas été le cas à la fin. Mais il y a aussi le fait que la neige a commencé à tomber très tôt. Moi, j'ai eu mes premières neiges le 12 septembre. Donc c'est assez inhabituel, hein. Donc il y a aussi un facteur chance qui n'a pas joué en ma faveur pour le coup. Ouais, surtout aussi pas mettre ta vie en danger, Virgile. Hein. Bien sûr, ouais. Mais il y a un marcheur justement qui était sur le même trail, hein, on va dire, c'est comme un chemin de grande randonnée en France, qui a été secouru juste avant que je décide d'arrêter. Ah oui, carrément. Et c'est vrai que ça m'a fait aussi considérer la situation de manière un petit peu plus objective, parce que quand on est pris dans cette marche, dans cette dynamique, on a du mal à dire non parfois. Tu m'étonnes. Il y a eu des blessures, il y a eu des coups de galère. Ah oui, bien sûr. Ouais. T'as eu quoi la plus grosse entre guillemets blessure que t'as pu avoir? J'ai pas eu de grosses blessures, hein, fort heureusement, parce que sinon, ouais, ça aurait été... ampoules. Des ampoules au départ, ouais. Mais je crois que le plus difficile physiquement, bon, c'est pas très glamour, hein, je tiens à m'excuser. Mais à la passe, j'ai attrapé des parasites intestinaux. Ah ouais. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser. J'ai vu plusieurs médecins et au final, je suis resté avec cette maladie pendant 3 mois. Ah ouais, quand même. Et j'ai continué à marcher. Mais on est vidé de toute force, quoi, parce que les nutriments ne sont pas absorbés par le corps. Donc ce qu'on mange finalement on le rejette. Oui, on le rejette. Ouais, c'est bien. Donc ça a été très compliqué pendant cette période. Voilà. Faut dire les choses franchement. C'est ça un peu. En tout cas, c'est une super aventure. 22, combien tu m'as dit 22 000 115. Bon. Ouais. Et alors, donc oui, le total ça devrait être 27 000 donc il me reste à peu près 5 000 km à faire. Ouais. Mais c'est plus en termes de. Finalement, ça paraît énorme, hein, 22 115. Mais c'est ça énorme, c'est énorme. Il y en a qui disent oh, faut que j'aille faire 2 km pour aller travailler, ils galèrent. Oui. On a tous notre petit côté feignant, hein, même moi. Toujours, hein, oui. Tous. Hein, moi le premier, mais quand on entend dire 22 000 km, waouh, là. À pied, oui. À pied, oui, à pied, hein, messieurs, dames. Mais, mais oui, le fait est que par exemple, sur de la route ou en Amérique centrale, quand j'étais principalement sur de la route, j'avançais beaucoup plus vite que quand j'étais dans les montagnes. Ouais. Donc 22 000 km, c'est une chose, mais il faut aussi considérer la manière dont on le fait. Ouais. Et en essayant de rester le plus possible dans un environnement naturel, et ben ça, ça n'a rien à voir absolument par rapport au fait de marcher ou de courir sur la route, hein, vraiment. Non, c'est une chose à part. Oui, ouais. Et c'est justement l'intérêt de la marche, hein, c'est le fait de prendre son temps, même si là, voilà, j'avais un rythme à tenir pour que ce soit quand même faisable. Ouais. Ça permet quand même de ralentir le rythme et puis de voyager à un rythme humain, tout simplement. C'est pour ça que j'adore la marche. T'adores la marche. T'as dû rencontrer quand même des belles personnes sur le chemin. Il n'y a pas que des gens négatifs. Ah non, bien sûr, ouais, que non. C'est vrai, je parlais du Panama tout à l'heure. Ouais. Mais, oui. Des gens t'ont accueilli, t'ont dit tu veux, à manger, à boire, on peut t'inviter à dormir, je sais pas, non. Des souvenirs comme ça, j'en ai eu des centaines. Des tonnes, ouais. Mais je crois que l'un des plus beaux, c'était dans le nord du Mexique, dans le désert du Chihuahua, ouais, qui est une zone très sensible, hein, en réalité, puisqu'il y a pas mal de cartels de drogue qui font passer. Ça t'a pas fait flipper un peu ça? Les cartels, ouais. Parfois, très honnêtement, j'ai essayé de préparer mon itinéraire, bien sûr, pour pas me retrouver dans les zones très sensibles. Ils kidnapper un Européen pour demander des rançons, des choses. Mais justement, c'est pas de ça que je voulais parler. Ah, oui. On parle des choses positives. Ouais. Non, mais voilà, au milieu de ce désert-là, il y a une voiture qui s'est arrêtée à côté de moi, ouais, et qui m'a offert deux gros sacs avec de la nourriture et de l'eau. J'étais en train de mourir de soif, pratiquement. Ah, ouais. Et voilà, ce genre de générosité, c'est les gens qui gratuitement, je suis un étranger, ils savent pas ce que je fais. Tu leur as expliqué un petit peu ce que tu faisais, parce qu'ils parlaient un peu anglais, des fois ils parlent anglais. Oh, moi je parlais couramment espagnol, hein, espagnol de toute manière. Ouais. Oui, bien sûr. Mais oui, ça dépend bien sûr du contact que tu as avec les gens, combien de temps tu as, et puis la personne que tu as en face de toi. Parfois c'est pas nécessaire d'expliquer l'intégralité de ce que tu fais. Ouais. Mais il faut se mettre au niveau des gens qu'on a en face de soi. Et puis moi ce qui m'importait surtout beaucoup, c'est que même si les gens n'étaient pas forcément capables de comprendre ce que je faisais, ils connaissaient des choses, ils avaient des expériences, ils avaient des connaissances que moi je n'ai pas, et que on a tendance peut-être à dénigrer a priori, hein, dans nos pays modernisés. Mais voilà, des gens qui vivent au milieu de la montagne au Pérou et qui cultivent la terre, qui élèvent des lamas, ouais, ils ont des compétences, ils ont des connaissances qui aujourd'hui peuvent nous être non seulement utiles, hein, c'est même pas le problème, ouais, mais voilà, c'est une diversité culturelle qu'il faut mettre en avant, parce que aujourd'hui c'est pas seulement la problématique écologique qui est importante, mais c'est aussi l'humain qu'il faut remettre vraiment au centre de nos considérations. Ouais. À un moment tu t'es dit j'arrête tout, j'arrête. À un moment c'est venu dans ta tête ou... Ouais. Honnêtement, quand j'écoute Mike Horn, hein, par exemple, ouais, je me dis bon voilà, c'est un aventurier, c'est quelqu'un, c'est un pro, il sait ce qu'il fait, et vraiment quand on l'écoute, on a l'impression que c'est un rock. Il ne doute jamais, il est toujours bon dans tout ce qu'il fait, physiquement il est toujours au top. Et moi j'avoue que je me sentais pas comme ça. Il y a des moments très clairement où j'étais pas au top de ma forme, il y a des moments où je doutais, il y a des moments où j'avais envie de laisser tomber puis de retourner à la maison. T'avais des contacts avec ta famille quand même pour oui, bien sûr. Des amis, ouais. J'avais pas de connexion quand j'étais dans la nature, ouais, encore une fois. Donc c'était à peu près une fois toutes les semaines que j'avais, ouais, des contacts. Mais voilà, c'est vraiment important de dire, je crois que je suis pas un être particulièrement, je suis pas un athlète par exemple, je suis pas un surhomme. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment parce que j'aimais faire ce que je faisais déjà, mmh, et puis aussi grâce au soutien de tous les gens qui m'ont donné du temps, hein, finalement, et qui m'ont donné l'intérêt, qui ont partagé leur enthousiasme avec moi. Et donc c'est ça qui vraiment m'a permis de mettre un pas après l'autre. Et puis c'est aussi le fait qu'il faut se concentrer sur de petits objectifs, je crois. Mais effectivement, quand on doute, ça peut être difficile d'avancer. Et puis le lendemain, ça repart bien, parfois, et parfois non. Et Et c'est, on apprend à mieux se connaître aussi, hein. C'est un grand exercice d'introspection. Ouais, en tout cas, on apprend à te connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Virgile. Ouais, bah, je suis ravi de partager ça avec vous. Ouais. Merci, Virgile. À tout de suite, Virgile. À tout de suite. She on the jock, huh? Passed out when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. Woo! When I drink, I got to know. Top jeans, tattoos, cause I'm rockin' wrong. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open top. Yo, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish blue rock and roll, no halo. We party rockin'. Yeah, that's the cool that I'm reppin'. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rockers in the house. Just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, baby. We gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. C'est notre invité, c'est Virgile Voisard, et ça me fait vraiment plaisir de le retrouver. Toujours présent. Ah ouais, 2 ans après, on se revoit, mon ami. Eh oui. Ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, tu es parti faire le tour de la planète, hein, déjà. Déjà la traversée des Amériques, hein, pour commencer. Pour moi, c'est la planète quand tu me dis 22 000 km. Oui, oui, oui. Ouais, c'est impressionnant. Nouveau départ. Alors là, on fait une pause parce que, bah, il y a la neige, comme tu le disais. Mm-hmm. Impressionnant, on peut pas trop avancer. Et, tu t'es dit, bah, obligation de faire une pause. Oui, oui, ça a été une décision difficile à prendre, mais quand on est confronté aux conditions, vraiment, on est forcé à l'humilité, hein, face à la montagne, face à la nature. Ouais. Voilà, on est parfois obligé de s'écraser et puis d'essayer de prendre la décision la plus raisonnable que l'on puisse prendre dans ces conditions-là. Nouveau départ, alors c'est quand le nouveau départ? Alors c'est oui, là, dans la continuité, donc je reprendrai d'où je me suis arrêté, hein, exactement. Ouais. Et je repartirai normalement en juillet 2020. Donc ça va venir vite, hein, finalement, même si ça paraît un petit peu loin. On a l'impression que c'est loin, ouais. Mais ça va me permettre alors aussi. Tu me disais, faut le. Oui. Effectivement, on a c'est finalement au milieu de l'été déjà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un terrain extrêmement difficile. C'est en particulier donc dans le sud du Canada. Ouais. Je serai toujours dans les montagnes rocheuses et ce sera probablement un des passages les plus compliqués de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et il faut tout simplement attendre que la neige fonde parce que les montagnes sont très escarpées. Il y a des cols difficiles à passer et la neige en fait à cette latitude aussi parce que c'est très au nord met du temps à fondre. Il y a toujours des chutes de neige jusque fin mai, ça dépend d'une année à l'autre. Ouais. Mais voilà, il faut que la neige fonde un peu pour que je puisse passer. D'accord. Donc on a un nouveau départ encore. Nouveau départ, oui, ce sera le même projet, hein, de toute manière. Bien sûr, ouais. Mais oui, donc 5-6 mois normalement pour arriver à achever cette traversée jusqu'à l'océan Arctique, la mer de Beaufort exactement, dans le nord du Canada. Ouais. Et donc je serai normalement dans. Tu seras à Noël. J'espère bien. Ouais. Il n'y a rien de certain, hein, mais j'espère bien. Mais oui, la partie nord va être aussi très intéressante, difficile, mais bon, On est là pour ça aussi, ouais. Pour relever le challenge. Et l'après tout ça, oh là. Ça sera quoi l'après bon, t'as déjà des idées ou pas? Non, je sais pas, mais je pense que je pourrais pas faire ça toute ma vie, hein, sûr, ça ouais. paraît évident. Ouais. Ou à part s'il y a des opportunités qui se présentent, je sais pas s'il y a des marques qui ouais, nous qui écoutent veulent, ou des... Ouais, qui veulent te sponsoriser. Voilà, mais c'est très difficile de vivre de cette activité de la marche de longue distance ou la course de longue distance ouais, quand on est hors compétition. Donc je ne sais pas encore, mais là je me concentre vraiment sur la suite de ce projet. Il y a encore beaucoup de travail avant juillet en termes de logistique, et puis j'aimerais continuer à faire vivre aussi ce projet, cette expédition, même en France, ouais. avec des conférences, avec des expos photos, et puis probablement ça, bah, c'est bien ça ouais, l'après avec des ouais, comme tu dis, de bien la, sûr, la photo ouais, bien sûr. Expliquer même aux enfants, tu vois, dans oui. les écoles, ça serait bien hein. Mais justement je suis en contact avec quelques classes de l'école Jacques Prévert ouais. à Saint-Jean-de-Bray qui voilà, je vais les rencontrer très bientôt, et puis ils ont suivi donc cette aventure par internet bien sûr ouais. mais c'est une manière pour eux aussi de voyager, et puis de les sensibiliser bien sûr à la protection de l'environnement. C'est ça, c'est important ça pour toi. Oui, c'est vraiment central, parce que bon, bien évidemment ça paraît même une évidence aujourd'hui, on entend tellement de choses, les médias relayent tellement de choses sur ce sujet-là mmh. et je crois que ce qui est important aussi c'est de montrer des choses positive, de montrer ce qu'il y a en jeu finalement, de montrer la beauté, la diversité de la nature sur notre planète Terre, et ça peut se faire grâce à cette expédition, parce que justement mon but c'est de sortir un petit peu des chemins battus mmh. et même si la qualité des contenus que je produis notamment en vidéo n'est pas aussi bonne par exemple que ce que vous allez voir à la télé, il y a une certaine authenticité, je l'espère en tout cas, qui se dégage de ce projet-là, grâce aussi aux autres personnes avec lesquelles je travaille. Par exemple, sur le format vidéo, on est à 4 sur ces épisodes qui sortent tous les mois. Ouais. Et c'est une manière de partager non seulement mon expérience sur ce long chemin, mais aussi d'essayer de montrer cette nature. Et puis par exemple, je suis passé par le Yellowstone, pour ceux qui connaissent, avec les bisons, etc. Ah, c'est impressionnant ça. Voilà, et c'est... Il faut bien comprendre que toute cette nature, toute cette richesse, elle est quand même extrêmement fragile. Ouais. Et parfois, quand on nous dit de faire des efforts, en France, voilà, de pas prendre la voiture, etc., pour ne pas polluer, on comprend pas forcément quel est le but de tout ça. Mmh. Parce que finalement, on n'a pas des bisons dans notre jardin. Hein. Non, on n'en a pas. C'est clair. Je confirme. C'est clair. Mais du coup, voilà, de montrer ce qui se passe aussi à l'autre bout de la planète, et de faire comprendre aux gens que notre comportement finalement a un impact direct sur des ressources peut-être invisibles, mais qui existent pour autant et qui nous sont absolument vitales. Donc c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Ouais. Et puis comme je le disais tout à l'heure aussi, l'aspect culturel, l'aspect humain, parce que c'est pas quelque chose qu'on pourra faire en mettant cet aspect-là de côté, en disant voilà, on oublie tous les gens qui vivent en travaillant sur ces terres, etc. Bien sûr, ouais. Il faut vraiment inclure notre humanité dans ce projet écologique qui devrait être une unanimité, devrait être évident aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien un film, un court-métrage ou un film, un long-métrage, un film Virgile Voisard. Le parcours de ma vie, ou je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, on a pour projet de... Oui, on a pour projet de faire un contenu plus abouti en vidéo, hein, qui sortira probablement sur YouTube, et puis je l'espère qu'on pourra exploiter aussi pour quelques conférences. Donc ça devrait se faire une première partie en 2020. En tout cas, c'est mon souhait. Ouais. Et puis une deuxième partie une fois revenu en 2021. Ouais. Jusqu'à 17h avec toi, mon ami. Ça mm-hmm. fait vraiment plaisir que tu sois là. Un dernier mot à rajouter. Un souhait à faire aujourd'hui, comme tu es revenu en France. Oui, ça c'est quoi? Pardon, j'ai pas compris ta question. Si t'avais un souhait à faire. Si j'avais un souhait à faire, oui. Avant de repartir au mois de juillet, là, pendant les 5-6 mois qui restent. T'aurais besoin de quoi déjà, quoi, aujourd'hui concrètement pour repartir? Est-ce que t'as... Bah là déjà, je vais travailler pour économiser pour mettre de l'argent de côté. Ouais, bien sûr. Mais oui, moi, mon souhait, c'est vraiment de continuer à faire vivre ce projet-là pendant les quelques mois, que ce soit pas seulement un interlude et puis on reprend en juillet, mais que ce projet continue à être actif. Un gros interlude alors. Oui, mais voilà, avec des des choses un petit peu plus différentes, comme je disais, en termes de conférences. Et donc, n'hésitez pas, voilà, à suivre l'actualité concernant ce projet. Vous pouvez retrouver sur The American Hike. Donc, T-H-E, un petit peu loin, American, et Hike, c'est H-I-K-E sur Facebook, Instagram ou YouTube. Ouais. Donc, il y aura quand même des choses à venir au cours de cette année jusqu'en juillet. Bah voilà. Bah on espère te revoir alors dans l'année prochaine, on va dire. L'année prochaine. Ouais. Peut-être avant le départ. Bah avant le départ et puis après le départ. Et puis après le retour, ça serait rendez-vous sympa. Pris. Ouais, en tout cas ça me fait plaisir. Puis quand j'ouvre les journaux, quand je te vois, ça me fait sourire à chaque fois parce que tiens, il est venu à la radio, ça me fait plaisir de te voir. Mais moi ça me fait extrêmement plaisir d'être aussi parmi vous. J'avais vu une page entière de la REP là, une fois j'ouvre là un matin, je suis couché au café et je feuillette la REP de temps en temps. Puis là, qu'est-ce que je vois, une page entière. Ça m'a fait sourire et puis en même temps ça m'a fait plaisir de te voir sur le papier aussi. Oui, mais je me sens extrêmement privilégié parfois d'avoir la chance de faire tout ça. Mais j'aimerais aussi que ce soit pas seulement voilà mon aventure à moi, mais que ça puisse faire voyager d'autres gens et puis que ça ait un but un petit peu plus global que ma simple personne. Je crois que c'est on s'en fiche un petit peu au final. Bon bah dans la réalité. Une autre réalité. Une autre réalité, voilà, c'est plutôt ça. Virgile, bah je te remercie vraiment du fond du cœur. Mais je t'en prie. Ouais, c'était avec grand plaisir. Consacrer une petite heure avec toi. Ça voilà, marche. Ça... Et puis à très bientôt, je l'espère. Voilà. Salut Virgile Loisard. Salut, ciao. On peut redonner ton Facebook. Donc, Oui, ça s'appelle The American Hike. Donc c'est Z-T-H-E, American, A-M-E-R-I-C-A-N. Et un petit peu plus loin, Hike. Donc H-I-K-E. Ça veut dire la randonnée américaine. La randonnée américaine, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. C'est impressionnant, vous allez voir des vidéos de dingue. Et puis, quel parcours. Merci mon ami. Merci à toi, à très vite. À très vite, Virgile Loisard. Ciao. Oh DJ, on aime bien ça. Rendez-vous demain, je vous laisse avec RDP International. Bonne fin d'après-midi, 17h06. Direction du Portugal. Salut à Clara qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-Bray. Et c'est le Portugal qui reprend la relève. Non.